vous n'êtes pas doux. Je viens d'ailleurs. C'est où ailleurs? Je croyais qu'il n'y avait qu'ici. Ici les gens sont doux, mais ils viennent d'où? D'ici? D'ici les moulineaux. Vous, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes d'ici les moulinettes. Vous êtes d'ici les moulinettes. Je ne connais pas ailleurs. En plus, vous êtes moqueur et railleur. Et puisque vous n'êtes pas doux et pas d'ici, je m'en vais voir. Il faudrait pas qu'aujourd'hui on cherche, parce qu'on risque fort de pas nous trouver. Il faudrait pas qu'aujourd'hui on cherche, parce qu'on risque fort de pas me trouver. Il faudrait pas qu'aujourd'hui on cherche, parce qu'on risque fort de pas me trouver. C'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable, puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs. Demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous.